Les journaux et en pages d'internet de divers pays ont traité spécialement le 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il. Le journal népalais Arfan, les en pages d'internet de l'Association des journalistes népalais d'études des idées du Juté et de la politique de Sangun, et de l'Association d'amitié Népal-Corée, et le journal d'internet indonésien Lumol, ont exalté les exploits du dirigeant Kim Jong-il qui a développé davantage les idées du Juté et l'idée de Sangun créées par le président Kim Il-sung pour que les Coréens puissent continuer sans déviation la voie de l'indépendance, du Sangun et du socialisme. Le journal népalais a présenté également le portrait en sourire des dirigeants Kim Jong-il et le journal d'internet indonésien sa photo. Le journal bangladais Daily Folk et les journaux indiens Weeking et New Delhi Times ont présenté les exploits mortels des dirigeants Kim Jong-il et la capacité de se renforcer soi-même, épée invincible des Coréens.